Bonjour, direct du 9 décembre 2023, donc je vais attendre que les gens arrivent un peu. Bonjour, Monsieur Pinard, Monsieur Leroy. Colucide, bonjour. Pauline, Chanian, Monsieur Pinard. Oui, Monsieur Pinard, ça commence. Ariane, bonjour. Donc, y a des sujets? Bonjour, Julie. Donc, s'il y a des sujets. Comme d'habitude, moi, je n'ai pas d'idée. Je n'ai pas d'idée de sujet. Donc, en pleine négociation, notre gouvernement il pose des lois Bayon. Puis, je n'ai pas envie de parler de ça, là. Un conseil pour commencer une chaîne YouTube comme la tienne. Ben, moi, je n'ai pas vraiment de conseil. Comment j'ai commencé? J'ai pas réfléchi. Je sais pas si c'est un bon conseil, là. Yo, bro, juste pour le fun, connais-tu Convenant la framboise sécurité? Sécurité, non. Pas du tout. La pandémie, c'est-tu vrai cette histoire, finalement? Ben oui, puis non, comme vous savez. Monsieur Robertine, salut toi, je voudrais te remercier pour tes vidéos. Tu m'aides énormément. Bon, ben, c'est à moi aussi de vous dire merci, là. La conscience brûle beaucoup de naïveté, oui. C'est inévitable, par définition. Bonjour, Noé. Donc, est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a des affaires? Ça se peut que je sois obligé de m'arrêter parce que j'attends une livraison. La boucherie. Donc, on verra. Mais ça fait 2 jours que j'attends. Ça serait trop le fun qui arrive là. Hein. Mais bon. Donc, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de sujet? Parce que sinon, ça va être long. Un conseil pour commencer. Moi, je n'ai jamais réfléchi à ce que je faisais. Puis, j'y étais vraiment avec la vibration, si on peut dire. Il y en a qui n'aiment pas ce vocabulaire-là. Mais c'est vraiment ça que j'ai fait. Puis c'était une expérience pour moi, justement, d'y aller sans réfléchir. De l'avoir fait. J'avais communiqué avec David Lévesque, pas longtemps avant. Puis Marc de la Salle. Puis Marc de la Salle, il m'a dit d'attendre. J'ai attendu un an. J'ai attendu un an. Bonjour Valérie, Daniel. Tu dois commencer à avoir faim? Non. J'attends pas le ça pour manger, là. Ça vaut la peine que tu jettes un œil sur la framboise sécurité convenant. Moi, je pourrais aller voir. Mais là, si je vais voir maintenant, ça va couper. Je vais avoir des problèmes, ma caméra va couper. Donc, qu'est-ce que je disais donc? Ouais, Marc de la Salle, il m'avait dit d'attendre un an. Ben, il m'avait pas dit d'attendre un an, il m'avait dit d'attendre. J'ai attendu un an. Donc, j'ai commencé à penser aussi l'année que j'ai décidé que, pas maintenant trop de stock, oh. Mais l'année que j'ai décidé que je ferais des vidéos, la journée que j'ai décidé que je ferais des choses par rapport à ces affaires-là, ma conjointe ne voulait plus me voir. Il y a un paquet d'affaires qui me sont tombées dessus. Ça a coïncidé avec un paquet de problèmes. Puis j'ai attendu un an. Donc, ça fait un bout de temps. Trump n'était pas élu. Ça fait un bon bout de temps. Un petit peu perdu dans le temps, là, des fois. Donc, est-ce qu'il y a des affaires? Est-ce qu'il y a des choses? Combien de monde? 33. OK. Donc, c'est ça. Puis, commencer une chaîne. Moi, je n'ai pas vraiment de conseils à donner. J'ai personne m'a conseillé, dans le fond. Il y a Marc de la salle qui m'a dit d'attendre. J'ai attendu un an. Ça, je m'en souviens très bien. Vois-tu de l'intérêt à la glande pinéale? Je vois de l'importance, mais pas de l'intérêt. Dans le sens que qu'on s'intéresse à ça ou pas, ça va jouer pareil. Une idée de à quoi ressemble l'existence sur le plan moroncieux. Non. Non, j'ai aucune idée. À mes yeux, c'est un peu. Vous savez, dans certaines religions, il y a un paradis, il y a tout le temps un but. Ben, à mes yeux, le moron ciel, ça vient surtout de les gens là, qui ont été avec la cosmogonie durant si vous... Techniquement, le moron ciel, ça serait. C'est un peu comme l'éthérique, mais à un niveau. Bon, donc, le corps moron ciel, dans le fond, c'est un peu un corps éthérique, là. C'est parce qu'un corps éthérique, jusqu'à un certain point, on en a des fois, suppose, ben, en tout cas, si on est multidimensionnel, pas le choix. Mais il n'est pas conscientisé comme véhicule. À mes yeux, le corps moron ciel, ça serait de l'éthérique conscientisé. Mais là, ça devient. Est-ce que c'est important de penser à des affaires de même? Je ne pense jamais à ça, le moron ciel. Moi, la première fois que j'ai entendu ça m'avait fait penser à des. Bon. Hein? Donc, je m'aligne pour mettre ma face devant le Kodak, moi, si j'ai assez attendu. Moi, ben là, on s'habitue. On s'habitue. Au début, j'avais un abonné. À un moment donné, j'avais deux abonnés. Fait que j'ai fait une vidéo spéciale pour souligner le fait que j'avais doublé mes abonnés. Il y a un de mes abonnés qui avait trouvé ça bien drôle. J'étais plus. Chapeau pas tout dans le même esprit. Pas du tout. Bonjour, moment présent. Que veut dire ce mot au juste? Moron ciel. Ben, c'est la moroncialité. C'est-à-dire, ben, les plans les plus élevés auxquels peut, dans lesquels peuvent aller une conscience humaine. Mais là, le moron ciel, moi, ça me, j'ai jamais accroché là-dessus. Donc, ce qui m'a toujours intéressé, moi, c'est la pratique. Ce qui est vérifiable, ce qui s'applique dans la vie de tous les jours. Donc, ça, c'est des affaires que j'ai comme mis de côté dans toutes les cossins autour de ces affaires-là. C'est dans les choses qui ne m'intéressent pas. Ben, peut-être que je ne suis pas rendu à ça. Hein? Vous disiez lors de votre dernière vidéo. Que vous parleriez du système nerveux. Bon, je pourrais en parler, mais on vient tout le temps à en parler. Pour nous, une motoneige, il me semble que ça voulait dire autre chose. Qui parle de motoneige, là? Ah, oui, OK. Ça a rapport avec la motoneige. Qui représente l'auréole des signaux au-dessus de la tête de Jésus, des anges et des saints. Ouais. C'est la lumière de l'esprit, si on peut dire. En tout cas, dans le cas de Jésus, là. Ben, il y a ça dans plein de choses, dans le sens que vous n'avez pas juste ça dans le christianisme, là. Vous avez ça. Même des fois, on peut soupçonner qu'il y aurait eu une influence occidentale au niveau de certaines iconographies bouddhistes. Parce qu'on voit ça, puis c'est calculé de la même façon. Dans le fond, c'est la lumière de l'esprit. Ça veut dire l'individu, il est connecté avec son Dieu. Dans le christianisme, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on va dire que c'est un saint. Mais ça, c'est une connexion. Des fois, c'est juste comme une soucoupe. Les dessins, les gens, son profil, c'est comme juste une soucoupe appuyée sur la tête. Si vous regardez comme il faut, ça prend le vertex, là, comme centre. Le vertex qui est. Alors, vous faites la connexion dans toutes les cultures qui spatialisent ces phénomènes-là. Hein? Donc, pourquoi la magie de Disney, c'est suivre son cœur, la mécanique derrière ça qui permet d'envoûter tout le monde. Et voilà. Ben pourquoi c'est de même selon vous? Parce que le but, c'est d'envoûter, justement. C'est une compagnie, tout ce qui est de plus mercantile. Puis Walt Disney, des drôles de. Il y avait des drôles de d'amis, hein, des drôles de fréquentation. On s'habitue à la solitude quand c'est volontaire, c'est plus facile que quand c'est imposé. Auréole, la parole, du vent, souffle des vis. Bon, l'affaire entre la solitude volontaire et la solitude involontaire, c'est que, comment je pourrais dire ça? Ceux qui choisissent la solitude volontairement, moi je les considère comme pas plus volontaires que ceux qui la choisissent, en guillemets, qui choisissent involontairement. Si vous avez choisi de la solitude dans votre vie, c'est que vous avez été amené à. Vous avez été amené à ça. Donc, hein, c'est la différence avec l'isolement. Ouais. Ouais. Parce que ça, c'est dans l'illusion qu'on prend des décisions. On prend des décisions. Prenez la grosse fille qui a un physique ingrat puis qui n'a pas été gâtée par la nature ni par la vie, qui décide de faire les affaires de son bord puis qu'elle laisse faire une vie pareille puis tout. C'est pas sa décision. Elle fait ça parce que c'est de la survie. Donc, moi, l'affaire, le monde, il y en a qui choisissent la solitude, là. Ils sont amenés à choisir la solitude. Ben, là, il y a de l'illusion là-dedans, là. Vu tout ça, là. Il y a bien des décisions qu'on prend dans notre vie. J'ai décidé, mais dans le fond, c'est pour. Hein? En tout cas, c'est la différence à moi. Réfléchir avec le cœur. Mais la base de la magie noire. Ben, ça réfléchit-tu le cœur? Réfléchir avec le cœur. Ben, c'est une voie cardiaque, la magie. Là-dessus, je suis d'accord. Mais là, aussi, ça ne pourra pas être la réflexion tant que ça, au contraire. Mais ben, le soi, c'est une voie cardiaque. Vous allez, on a des voies cardiaques, la magie. Dans le sens que. Prenez. Oh non, je ne parle pas de ça. Choisir la solitude pour se régénérer. Un peu d'illusion de contrôle sur l'action mort. C'est surtout que si vous avez à vous régénérer, là-dessus, su. C'est un peu comme quelqu'un qui dirait, ben là, je choisis d'aller à la station-service pour mettre du gaz. C'est parce qu'il n'y a pas le choix. Donc, la personne. Réfléchir, choisir la solitude pour se régénérer. On décide de rien, voilà. Puis ça, c'est pas une excuse pour vous déresponsabiliser toutes. Parce que même si on décide de rien, si on a plus ou moins de présence, on prendra pas les mêmes décisions parce qu'on verra pas, nous ne verrons pas les mêmes choses. C'est correct, ça? C'est correct, ça. Hein? Hey, bonjour, Sébastien. Coucou, Yoz. Monsieur Pinard, ça fait du bien d'être seul avec soi-même, mais pas trop longtemps. Ouais. Ce qui est pas bon, quoi. Il est pas bon que l'homme soit seul. Ou mal accompagné. Donc, l'ermite se régénère. Par la solitude. L'ermite est dans un état de contemplation. C'est pas pareil, c'est pas de la solitude. Ça n'a rien à voir, là. L'ermite puis l'anachorète. C'est quoi une anachorète? C'est quelqu'un qui vit en communauté tout seul. Prenez les moines. On appelait ça des moines. Ben, moine, ça vient de monos, puis ça veut dire seul. Pourquoi sont en gang? Parce qu'à un moment donné, au cours de l'histoire des abbayes puis de ces choses-là, il y a eu ce qu'on appelle la règle. C'est-à-dire, il est arrivé des fondateurs de communautés. Puis on est sorti du christianisme originel, si on peut dire, pour entrer dans d'autres choses. Mais il reste qu'eux autres, c'est des contemplatifs. Ah, téléphone. Bon, ben la boucherie s'en vient. Je m'excuse, désolé. Au revoir.